que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras, ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement, un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui. Véritablement, seul, définitivement, seul, définitivement. C'est ainsi que les choses se meurent, c'est ainsi que l'amour s'éteint. Il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement, un peu calme, un peu blanc, savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui, mais véritablement.